Ça va s'arrêter comme ça. Parce que je dois partir maintenant. Aller voir mes parents. À bientôt. Sur le monde. À bientôt. Thank you.